Aujourd'hui, je l'aurais appelé David. J'aurais voulu qu'il fasse du bruit au milieu de cette maison vide, au milieu de cette maison vide. Est-ce qu'il aurait eu mes yeux noirs ou la forme de ton visage? Est-ce qu'il aurait voulu savoir comment nous étions à son âge? Comment nous étions à son âge? L'enfant, l'enfant que je n'ai jamais eu, celui que tu n'as pas voulu, l'enfant que je n'ai pas gardé, celui que tu n'as pas aimé. Serait du signe du lion, avec des sentiments de chat, avec des sentiments de chat. Je l'entendrai rentrer la nuit, comme je t'attendais autrefois. Il serait mon fils, mon ami, si je l'avais choisi sans toi, si je l'avais choisi sans toi. L'enfant, l'enfant que je n'ai jamais eu, celui que tu n'as pas voulu, l'enfant que je n'ai pas gardé, celui que tu n'as pas aimé. Il aurait 13 ans aujourd'hui, je l'aurais appelé David. J'aurais voulu qu'il fasse du bruit au milieu de cette maison vide. Je l'aurais aimé comme toi et j'aurais adoré ce rôle. Il serait venu quelquefois poser sa tête sur mon épaule, poser sa tête sur mon épaule.